corps à guicheuses. De son voile léger, de sa traîne enjôleuse, le souffle du matin à travers le rideau de crin que l'on ose ouvrir de peur d'abîmer sa main. Et puis on se décide et enfin on s'éveille, pose un pied puis l'autre, les deux pareils, des jumeaux opposés hors du sommeil, les jambes suivent et le reste reste en veille. Pourtant le reste n'est pas mal, à l'usvelte sculpte de malin. Le rayon à travers le rideau se profile, et sur le mur une copie sombre défile. Et la main atteint la cordelette qui d'un seul coup, d'un seul, entrer la lumière, cadette du jour changeant la couleur de tes yeux, de ta peau, étirée de ta torpeur, hochant la tête vers moi, tu cligneras d'un œil, dresseras un sourcil. Et d'un bond franchira le seuil de la porte qui te sépare de mon lit, où tu t'étires déjà pour.